L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Monique Manoa, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement de la Cité du Fer, la Cité du Fer à Gerville, qui va nous ouvrir ses portes du 5 au 7 avril à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Donc c'est l'occasion d'en découvrir un peu plus sur ce lieu qui est relativement récent. Je crois que c'est 2022 son ouverture, c'est ça à peu près? Oui, ça a commencé en début 2022 et ça s'est vraiment concrétisé en 2023 avec l'ouverture du deuxième pôle. La recyclerie a ouvert en 2022, le deuxième pôle qui est le pôle d'artisanat d'art a ouvert en 2023. Un lieu qui donc grandit d'année en année avec de plus en plus de choses à découvrir. C'est un lieu qui va fourmiller d'idées et de savoir-faire. C'est quoi la Cité du Fer à Gerville? Alors déjà, en introduction, il ne faut pas nous confondre avec le musée du fer qui est devenu le Ferru des Sciences. Bien sûr. On nous en confond. Et donc la Cité du Fer, c'est une manufacture de proximité, donc ça c'est un label d'État. Et on est un tiers-lieu de production qui allie un pôle recyclerie créative qui est porté par l'association La Belle Idée qui travaille sur le réemploi, la réutilisation de tout ce qui est objet de la maison, meubles, vaisselle, objets de décoration. Un pôle métier d'art qui à ce jour accueille 20 entreprises et 21 porteurs de projets. Céramistes, verriers, tapissiers d'ameublement, brodeurs, peintres en décor, dominotiers, relieurs d'art, ébénistes, ferronniers, etc., etc. Donc là, c'est l'occasion de voir les ateliers, les Journées européennes des métiers d'art. Et puis par ailleurs, on est lieu d'enseignement pour l'École supérieure d'architecture. Et à terme, on développera d'autres pôles, donc le pôle partenariat et enseignement et un pôle métier connexe, mais ça, on en parlera l'année prochaine pour les prochaines portes ouvertes. Il y a déjà pas mal de choses déjà. Vous avez bien fait de faire le distinguo avec le musée du fer, qui s'appelle plus comme ça maintenant, le oui. Ferru des Sciences. Et la Cité du Fer, c'est F-A-I-R-E. On l'a pas dit, mais c'est quand même très très important à signaler. C'est ça, c'est le fer fabriqué, mais si vous regardez bien notre logo aussi, le dernier est grisé, ce qui nous permet de parler du fer à l'anglaise, hein, to be fair. Et puis, bien évidemment, c'est un clin d'œil à l'histoire de Gerville-la-Malgrange et de la production de fer qui s'est tenue là jusqu'à la fin du 19e siècle. Ça se situe où, la Cité du Fer à Gerville? C'est pas très loin d'ailleurs du Ferru des Sciences, hein, je crois. C'est pas très loin. À Vol d'Oiseau, on est à quelques encablures. En fait, on est en bas de l'avenue de la Malgrange, juste après le second pont SNCF. Quand on part de la rue de la République, la rue centrale de Gerville, on tourne sur l'avenue de la Malgrange et au second pont, à droite, vous arrivez à la Cité du Fer. C'est un bâtiment de 5000 mètres carrés sur lequel et la ville et l'association de la Cité du Fer ont voulu développer ce tiers-lieu de production. Et voilà, et ces Journées européennes des métiers d'art, c'est le bon moment aussi hein, pour découvrir ce lieu. Donc du 5 au 7 avril, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir alors sur place? Vous allez pouvoir visiter les ateliers des artisans qui sont implantés. Donc là, ils vous accueillent avec grand plaisir. En parallèle, ils montent en plus un petit espace boutique expo. Et puis, libre accès aussi à la Belle Idée, donc la recyclerie créative. Donc si vous avez envie de chiner, c'est aussi la bonne occasion. Ça nous permet aussi de parler des liens entre ces deux pôles qui ne sont pas juste posés l'un à côté de l'autre, mais qui ont vraiment des interactions. Et puis le samedi et dimanche, on va avoir 8 centres de formation aux métiers d'art et aux métiers rares qui sont implantés en Grand Est, qui seront parmi nous, avec des démonstrations de taille et sculpture sur pierre, de ferronnerie d'art, de travail du verre au chalumeau, de lutherie, etc. Donc, autant vous dire que vous allez vous en mettre plein les yeux. Aujourd'hui, c'est 22 artisans qui sont résidents de la Cité du Fer, c'est ça? C'est 20, officiellement 20 entreprises et 21 porteurs de projets. Et à l'occasion des JEMA, on accueille une maroquinière qui sera implantée chez nous à partir de cet été et qui sera ensuite rejointe par un restaurateur du patrimoine. Donc à la fin de l'année, on sera 23 et là, on va être obligé de s'arrêter puisque même s'il nous reste des espaces vides, on a un gros projet de travaux sur le bâtiment qui nous permettra, après travaux, de passer une capacité d'accueil de 40 à 50 artisans d'art, en plus de la recyclerie et des autres pôles. Voilà, c'est un lieu qui est en pleine renaissance, qui grandit, on le disait, d'année en année, et avec des disciplines et des techniques assez variées aussi proposées par ces artisans. On pourrait en citer quelques-unes? Céramique, avec du coup des gens qui travaillent plutôt la porcelaine, d'autres plutôt le grès, donc déjà c'est plein de métiers. On a deux verriers qui à eux deux accumulent quatre savoir-faire techniques différents, le thermoformage, le fusing, le travail au chalumeau et la pâte de verre, une joaillière, une marqueteur, une peintre en décor, dominotière, un relieur d'art, des ébénistes, ils sont quatre mais du coup sur des chambres différentes, dont un qui est en plus menuisier en siège, un métallier ferronnier, une restauratrice du patrimoine, des maroquinières qui sont deux et bientôt trois, dont l'une fait beaucoup de gainage, donc tout ce qui va être tendre du cuir sur des objets et un peu de sellerie. Voilà, donc c'est une foultitude de savoir-faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, en les juxtaposant, ils font naître des nouveaux savoir-faire et des nouveaux objets, puisqu'en fait, il y a aussi des collaborations qui commencent à se mettre en place. Oui, voilà, c'est tout l'intérêt de ce lieu, c'est que déjà, il y a une mutualisation du lieu, du matériel sur place, et puis ça créer des rencontres, bien évidemment. C'est ça les rend visibles aussi, parce que malheureusement, souvent, ils travaillent de manière un peu invisible, hein, dans des petits locaux, ils ont rarement pignon sur rue. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de devenir un peu un lieu totem sur les métiers d'art dans la métropole, qui ont une place économique importante et qu'on ignore finalement. Et c'est aussi l'occasion pour nous, c'est pour ça qu'on invite des écoles à cette occasion-là, de parler de ces métiers, des filières de formation. Grand Est, c'est la région de France qui a le plus grand nombre de filières. C'est 65 établissements en Grand Est qui orientent et qui donnent des diplômes dans ces métiers-là. Et ça, c'est peu connu. Et pour nous, c'est l'occasion d'en parler, d'inviter des jeunes à, pourquoi pas, s'intéresser à ces filières-là, parce que c'est vraiment des métiers passionnants. Et en général, exercé par des passions. L'occasion de découvrir, pourquoi pas, de créer des vocations, c'est de venir à ces Journées européennes des métiers d'art et ces journées portes ouvertes du 5 au 7 avril, avec la présence, donc le week-end, vous l'avez dit, des centres de formation, hein, c'est ça ? C'est ça. Tout ça est gratuit ? C'est ça. L'accès est libre. Alors, ça risque d'être, de par les dispositions liées au risque d'attentat, l'entrée risque d'être un peu complexe, mais après, une fois que vous êtes dedans, je pense que vous avez facilement 2 à 3 heures de visite à vous régaler. De belles rencontres aussi, hein, puisque c'est des porteurs de projets qui sont tous passionnés par leur métier, donc qui ont envie de le transmettre. Et puis, pour information, sur place, on a un petit coin buvette restauration, donc on vous attend de pied ferme. Exactement, et si on ne voit pas tout le même jour, eh ben, on peut revenir le lendemain. C'est du 5 au 7, donc on n'hésite pas. Merci beaucoup Monique Manois. On peut peut-être merci préciser que la Cité du Fer, elle est aussi sur Internet, on peut avoir toutes les infos. On est présent sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, on a un site internet. Et vous avez un fonctionnement associatif, vous recherchez des bénévoles aussi ? Oui, en particulier on a cherché des bénévoles pour les Journées européennes des métiers d'art, pour l'accueil du public et l'orientation, parce que le bâtiment est très grand. Là on a en ce moment une équipe bénévole qui nous repeint, on a un couloir qui fait 47 mètres de long et qui vient d'être entièrement repeint par des bénévoles, et un grand merci à eux. Il n'est pas tout à fait fini. Je ne suis pas sûre qu'il soit totalement fini au JEMA. Voilà, on a de temps en temps comme ça des appels, et puis comme toute association, on a un conseil d'administration qui travaille de manière bénévole sur des dossiers. Là, en ce moment, on travaille sur le document unique des risques professionnels, des choses pas forcément très drôles, mais en même temps passionnantes à gérer. Donc voilà, on n'hésite pas. Si on a du temps à nous offrir, on le prend avec grand plaisir. Et ben voilà, vous aurez plein de monde qui viendra vous poser plein de questions du 5 au 7 avril. Donc à la Cité du Fer, c'est à Jarville-Malgrange. Merci beaucoup Monique Manois. Merci à vous, au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.